Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici galère d'humoriste, ou plutôt aujourd'hui galère de spectateur. Voilà, car je suis avec deux amis qui sont férus d'humour, des amis de Narbonne, voilà, Mélodie et Audrey. Salut les filles. Salut. Ça va? Ça va. Ok, alors je me suis dit, vraiment vous qui regardez des spectacles très souvent, vous avez forcément des anecdotes à nous raconter. Je pourrais parler, moi j'avais été choisie par les vice-versa, pour, c'est la première fois que je venais les voir. J'avais vu le spectacle dans la rue à Avignon, c'était au festival d'Avignon. Et j'avais dit à Audrey, bah, viens on va se mettre au premier rang, de toute façon on sera pas choisi. Ça c'est une erreur de spectateur ça, voilà. Se mettre au premier rang. Jamais se mettre au premier rang, je le déconseille. Et il y a le spectacle se passe, on se marre, c'est très bien. Et à un moment donné, il doit faire un sketch sur la drague. Et nous, on était les deux seuls, je pense, dans la salle à se marrer comme des cons. Et d'un seul coup, tu vois, tous les deux qui arrivent en disant « je vais te choisir toi ». Alors, c'était India et le premier qui voulait absolument que ce soit moi. Et Anthony qui voulait que ce soit Audrey. Or, dans ma tête, je priais pour que ce soit Audrey. elle priait pour que ce soit l'inverse. C'est là qu'on voit le soutien entre copines. Tu sais, à partir du moment où il y en a une qui va se taper la honte sur scène, c'est toi. C'est ça. Et manque de bol, j'ai été choisie. Donc... J'avais mon casque audio autour du cou, donc bien sûr, j'en suis pris plein la gueule avec ça. J'ai failli me casser la gueule avec parce que je devais faire me battre face à des ninjas et tout, donc j'ai cru que j'allais me casser la figure. Donc, c'était magnifique. Et après, le sketch se passe, ça se passe plutôt bien, mais j'avoue que là, j'aurais préféré que ce soit Audrey qui prenne ma place. D'accord, là, c'est vraiment la difficulté d'être, ouais. D'être choisi sur scène et d'être mis en lumière alors qu'à la base, t'avais pas du tout prévu le coup. Non. Ah ouais, c'est sûr, ouais, quand t'es pas extraverti et tout, c'est très compliqué. C'est-à-dire, tu veux rendre service à l'humoriste. Mais tu dis que tu vas le t'as envie de lui rendre service, t'as pas envie que son morceau soit raté, t'as pas envie non plus de te mettre la honte, toi, c'est très compliqué, oui. Mais bon. Mais quand même, t'as réussi à, oui. À passer le truc, en fait, voilà. Le pire, c'était avec Kenny. Kenny Martino. Kenny oui. Martino, la princesse, comme je l'appelle. Yes. Je suis une princesse et je vous emmerde. Oui, c'est son spectacle excellent. Ouais. Et c'était l'ancienne version et il y avait un sketch sur le camping. Et il avait une tante Quechua sur scène. Et il demande dans la salle, c'était entre midi et deux en plus, il y avait presque personne, on était une vingtaine même pas. Et il décide de demander qui c'est qui a fait du camping. D'accord. Tout le monde a fait du camping sauf moi. Uh-huh. Donc il me décide de me prendre à partie, il m'amène sur scène, me fait rentrer dans la tente, il me dit t'inquiète pas, il y a un truc qui va passer en fond, ça va faire comme si tu me donnais une baffe et tout parce que je te drague et tout ça, je fais ok. Mais par contre quand tu sors, tu ouvres la tente, tu sors et tu m'insultes. Je te connais pas déjà. Je te connais pas. Je sais pas que je connais. Laisse-moi au moins voir le reste du spectacle avant de t'insulter, tu vois. J'aurais peut-être une raison à la fin. Tu te dis, t'es foutu. Donc le truc se passe. Et là, il me fait, c'est bon, tu peux ouvrir. Bon, c'était hyper coincé. Je suis sortie, je l'ai insulté et ça a passé très crème. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me demandes qu'est-ce de faire? Qu'est-ce que tu viens de me faire, quoi? C'est incroyable. Qu'est-ce que. Quoi? J'ai pas. Non, mais il y a des. Tu te dis c'est pas possible. Ouais, bah oui. Et du coup t'appréhendes peut-être d'aller voir de nouveaux spectacles, surtout si tu sais que le mec est beaucoup dans l'interaction avec le public. T'as toujours peur qu'il te prenne à partie, qu'il te fasse monter sur scène, tout oui. Ça. Même si tu le connais aussi, que tu le suis depuis des années, tu peux être pris à partie. Écoute, Et ça c'est pire. Bah, c'est pour ça que j'ai hâte que tu reviennes voir le spectacle. Il me fait des signaux, Tony, je sens monter. Que ça va filer. Oui, parce que je te ferai monter sur scène moi aussi la prochaine fois. Pourtant, je fais monter personne, mais je ferai une exception. Tu sais ? Non, parce que là du coup, il faut préciser que Mélodie et Audrey vont voir Tony Atlaoui ce soir à la Drôle de Scène à Bordeaux. Et je pense qu'il y en a une des deux qui va monter sur scène. Je ne sais pas pourquoi, je Audrey, dis ça. Audrey. Ça se négocie comme ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Tu avais d'autres anecdotes? La première fois quand on rencontrait des humoristes ah oui, Sacha Judasco aussi il m'avait pris en partie aussi pendant le sketch, m'avait insulté aussi. Ouais, c'était Mais genre il l'a fait c'était pour le sketch pour oui le voilà sketch. c'était pas ça non. J'imagine qu'à la fin il t'a rattrapé, il t'a dit c'était pour déconner ou oui parce que c'était le sketch du rappel et j'avais eu droit au téléphone et c'était un sketch où il appelait quelqu'un pour faire un rappel et c'est moi qui avais le téléphone. Il dit bon, si elle n'est pas conne, elle va répondre au téléphone. Quelqu'un veut parler à Sacha Judasco? Non, personne. Bon, c'est bon. Généralement, c'est des trucs plutôt comme ça. Mais non, après, c'était surtout des rencontres un peu particulières. Audrey, du coup, est-ce que tu avais des anecdotes de ton côté? Juste une avec Eric Antoine. Ah, raconte-nous un petit peu ça. C'est cool. Bah en fait, quand il te choisit, normalement, il met la lumière sur nous. Ouais. Quand il choisit pour qui va monter. Oui, normalement, oui, il y a un projecteur, ouais. En fait, du coup, ça s'est joué entre deux parce que j'avais mon... il y avait le mec à côté de moi et moi. D'accord. J'ai eu de la chance, c'était le mec. Ah. Et moi, je me suis dit, ouais, chouette. Et lui est passé, il m'a dit, t'es contente, hein? Je dis, ah ouais. Bah, quelque part, on le sait, nous, tu sais, quand on demande à des gens, il me faut un volontaire, là. Là, tu vois les visages se fermer. Et tout le monde flippe, et après la personne à qui tu demandes, elle te demande toujours « Moi ? Oui, oui, toi. C'est toi. J'ai le doigt sur ton nez, donc c'est toi, tu sais. Vous êtes sûr que c'est pas la personne à côté ? Non ! C'est toi !» Ah, donc je comprends tout à fait, t'as été soulagé de pas être choisi. C'est ça. Bon, après ça va, Eric-Antoine, oui, il déconne beaucoup. C'est jamais méchant, c'est jamais malveillant, quoi. Ouais, non, je suis bien. Ouais. Non, ça va. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est les humoristes qui vont faire monter quelqu'un pour le ridiculiser. Là, j'aime pas. J'aime bien quand c'est un échange, tu vois. Moi, à l'époque, je faisais monter quelqu'un, mais il y a très longtemps, je le faisais monter pour lire un poème. Je lui donnais un poème et tout, il le lisait, tout ça. Maintenant, je le fais plus, ce sketch-là, donc du coup, plus personne monte sur scène. Mais je veux dire, c'est quand c'est bienveillant, c'est pas grave. Moi, je me rappelle qu'il y a des gens que j'appelais sur scène, ils appréhendaient de monter avec moi. Et après, quand ils montaient et qu'ils voyaient ce que je leur ai fait faire, à la fin, ils me disaient « Oh bah finalement, c'était sympa. » Tu sais, parce que peut-être qu'ils ont été traumatisés par des personnes qui les ont fait monter et qui les ont tournés en ridicule, quoi. Mais bon, c'est pas le but, en tout cas. Moi, je suis ravi d'avoir pu avoir ces petites anecdotes, ces petites galères de spectateurs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, les filles. On peut vous retrouver dans toutes les salles. Si vous cherchez Audrey et Mélodie, allez voir n'importe quel spectacle d'humour, elles sont là. On est là, toujours. Voilà, tout simplement. Et c'est avec grand plaisir et j'ai hâte de pouvoir rejouer devant vous. Et merci beaucoup. N'hésitez pas donc à les retrouver dans toutes les salles. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.